بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع أثاره واقتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد dans le cours précédent on a pris le athar de Abdullah ibn Amr, erreur, il y en a dans certaines éditions, c'est Abdullah ibn Umar, alors que c'est Abdullah ibn Amr, al-Sahab al-Jalil, dans lequel il a dit, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par l'agrément du Père, et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par la colère du Père. Comme on a pu voir, ce affaire-là n'est pas authentique, laquelle le sens est authentique. Et comme on a pu voir, ça c'est restreint l'agrément qui est convenable, bil ma'ruf. Tu agrées ton père dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est voulu. Et tu évites de rendre en colère ton père dans la colère d'Allah azza wa jalla, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma si jamais ton père est en colère contre toi alors qu'il t'a ordonné la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, fahada, ça rentre pas dedans. Kazalika, ça rentre dedans, yani fil mazmoum, celui qui va agréer son père dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada, c'est restreint là au hadith innama ta'a bil ma'ruf. L'obéissance est dans le convenable. Ensuite, on a pu prendre le bab qui est après, bab birr al-um. Donc, dans ce affaire-là, la mère est évoquée trois fois, le père une seule fois. Pourquoi? Tu te rappelles? À cause de la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. L'imam ibn Battah, rahimahullah ta'ala, dans ce kitab, il a un charh de Sahih al-Bukhari, donc c'est le 9e mujallad, la page 189, dans le bab ou man ahaqqu an-nas bi husn suhbah. Donc il évoque avant le hadith qu'il a évoqué l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et ensuite il dit, huwa rahimahullah, qala fi hadha al-hadith dalilun ala anna mahabbat al-um wa shafaqati alayha yanbaghi an takuna thalatha amthal mahabbati al-ab. Il dit dans ce hadith-là, que l'amour qu'on doit avoir envers la mère et la mansuétude, la rahma qu'on doit avoir envers la mère, doit être trois fois plus grand que l'amour qu'on a envers notre père. قَالَ لِأَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, كَرَّرَ الْأُمْ ثَلَاثَ. Le prophète a évoqué dans ce hadith-là la mère trois fois. قَالَ وَذَكَرَ الْأَبْ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِحَ. Et le père, il a évoqué à la quatrième reprise. Ensuite, il évoque, rahimahullah, yani pourquoi ? قَالَ ذَلِكَ أَنَّ سُعُوبَةَ الْحَمْ وَسُعُوبَةَ الْوَضْعِ. La difficulté de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement. Donc ça, c'est l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala. Fi sharh, sahih al-Bukhari, babu man ahaqqu an-nas bi husn suhbah. Mujallad, 9e volume, la page 189. Tamqa, rahimahullah ta'ala, an Ata ibn Yasar, عدي بن عباس رضي الله عنهما أنه أتى رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال فذهبت فسألت ابن عباس. هذا هو قول عطاء. C'est la parole de Ata ibn Yasar, l'élève de l'imam ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Qala fa dhahabtu, ay Ata, qala. Fa sa'altu ibn Abbas, lima sa'altahu an hayati ummih? Fa qala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birr al-walidah. Hada al-athar, c'est un athar qui est sahih. Tous les rapporteurs de la chaîne de transmission sont authentiques. Sont plutôt, yani sont thiqat. Ha huna Ata ibn Yasar, qui fait partie des grands tabi'i, rahimahullah ta'ala, il rapporte que Ibn Abbas, ou plutôt qu'une personne, est venue à la rencontre de Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, l'un des plus grands érudits parmi les sahaba. Al-Nabi sallam, il a fait dua, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende faqih au vid-din et qu'il lui instruit le tafsir. Et c'est le sahabi, wallahu alam, qui a une connaissance du tafsir qui est beaucoup plus approfondie. Dans les tafsirs, tu vois la parole des compagnons qui est la plus évoquée, c'est celle d'Ibn Abbas, radiyallahu anhum. Et ça en découle de la dua que le prophète Ali sallam il a fait pour lui. Ibn Abbas, il fait partie des grands érudits et kadhalika des grands huffaz parmi les sahaba. Il a mémorisé énormément de hadiths. Il fait partie des cinq premiers parmi les sahaba qui ont rapporté le plus grand nombre de hadiths. C'est le neveu du prophète Ali sallam. Abbas, c'est son oncle. قال أنه أتى رجل une personne est venue auprès de Ibn Abbas رضي الله عنهما afin de le questionner. Il lui a dit خطبت امرأة, j'ai fait les démarches pour me marier avec une sœur مقابلة يعني. قال فأبت أن تنكحني, elle a refusé de se marier avec moi. وخطبها غيري, un autre prétendant est venu s'est présenté. قال فأحبت أن تنكحه, elle a agréé qu'ils se marient ensemble. قال فغرت عليها, j'ai été pris de jalousie فقتلتها, et je l'ai tué. فَغِرْتُ هَذَا الْغِيْرَ, c'est le fait de que tu n'agrées pas qu'une autre personne s'associe avec toi dans un droit. Et les ulama, ils ont évoqué que la ghira, elle se divise en deux. Il y a la ghira qui est mamdouha, qui est louable, et la ghira qui est madhmouma. La ghira qui est mamdouha, c'est lorsque yani, tu n'aimes pas qu'une personne s'associe avec toi dans un haq yani, qui est propre à toi, qui est propre à toi. Comme dans le hadith, celui qui a dit si jamais je vois une personne dans le lit de ma femme, je le découperai à l'épée. Et Nabi Sulaiman a dit, est-ce que vous vous étonnez de la jalousie, l'excès de jalousie de ce sahabé-là? Ils ont dit, et il a dit, quant à moi, il a dit le prophète, je suis beaucoup plus jaloux que lui. Et Allah Azza wa Jalla est encore plus jaloux. C'est pour ça qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala, al-hudud al-haram, afin qu'on ne dépasse pas les limites dans sa religion. Fa la ghira hauna, elle est mamdouha, elle est louable. Personne n'agrée qu'une autre personne s'associe avec lui, avec son épouse. Fahada yani c'est mamdouh. Hada c'est mamdouh. Wa amma al-ghira nadhmouma, comme c'est l'exemple hahouna. Parce que fil haqiqa, al-an, cette sœur-là, à qui il a demandé sa main, c'était pas son haq. C'était pas son épouse. Lui, c'était juste un prétendant. Elle a refusé. Fahada, il n'y a pas de ghira à avoir. Allahumma illa, si jamais cette personne-là, مثلاً, la sœur, elle n'aurait pas donné de réponse, elle est en train de réfléchir. Et ensuite, un deuxième prétendant, il vient, et il essaye aussi de s'immiscer dans l'affaire. Là, naham. Là, c'est son droit. Enfin, ça, c'est son droit. Là, naham, il peut avoir une rire, laquelle cette rire-là doit être madbouta, doit être. Il doit craindre Allah Azza wa Jal. Al-an huwa tajawaz. Dans les deux sens. Le premier, c'est que Awalan, c'était pas son haq. Parce qu'elle a dit non. Donc, il y a une autre personne pouvait prétendre. Et deuxièmement, Tajawaza, il l'a tué. Hatta le mathalan, comme on a pu l'évoquer, si jamais il aurait demandé la main à cette sœur-là, alors que lui était déjà en train de demander la main. Enfin, il n'aurait pas été légiféré qu'il la tue. Adala yajuz. Faqatalaha, c'est un excès. Il a eu une transgression, cette personne-là. Bal Rafi, Khatelaha, par jalousie, on dirait qu'il a voulu se venger. Tu m'as attristé, tu m'as fait mal, et ben je vais te faire beaucoup plus mal. Tam, hada la yajuz. Qala fa qatelaha, summa il a demandé, il a regretté. Qala fa hal li min tawba. Est-ce qu'il y a une tawba pour ce genre d'affaires? Fa qala ibn Abbas, ummuka hayya, est-ce que ta mère est vivante? Fa qala la, ma mère n'est pas vivante. Fa qala tub ila Allah. Repends-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrab ilayhi mastata'a. Et ça c'est l'inaba. Wa inni ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ça c'est ce qu'on appelle l'inaba, comme on a pu voir dans le usul al-thalatha, lorsqu'il a évoqué certaines anwa' de l'ibada, il a évoqué l'inaba. On a pu voir cette tauba wa ziyada. La tauba ma islah, ma islah al-amal. Tam, il s'améliore. Il se réforme. فهذا كذلك هنا قال توب وتقرب توب الى الله عز وجل et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala ما استطاع comme tu le peux. Il a été intrigué, Atta ibn Yasar, de cette question là. Cette personne là a tué une femme, il lui demande est-ce que ta mère est vivante. Il n'a pas compris pourquoi. Ça nous montre qu'un insan, premièrement, lorsqu'il ne comprend pas une chose et que l'affaire elle est grande, qu'il entend son cheikh ou bien une personne, il est en train d'émettre une fatwa ou émettre une réponse, il ne le coupe pas, il ne faut pas qu'il interrompe. C'est une affaire qui est importante. Il aurait pu dire, au moment où, lorsqu'il a dit, Ummuka hayyun, il aurait pu lui dire, Lakin limada tas'al, pourquoi tu demandes cela? Il n'a pas interrompu. Il a laissé finir. Peut-être qu'il va comprendre à la fin. S'il ne comprend pas, il va lui demander après. Enfin, ça nous montre un adab, yani, qu'il y avait les tabiri maha al-sahaba. Même yani, al-muallim, al-muta'allim maha al-muallim. Il prend le temps d'écouter, de comprendre. S'il ne comprend pas, il pose la question. Il évite de l'interrompre, surtout lorsqu'il est en train de démettre une fatwa ou bien de démettre une réponse. Pharaon, il a attendu. Et il n'a pas laissé cette choubate-là, yani, lui pourrir le cœur. Il aurait pu partir et essayer de faire un effort de compréhension. Lakin, la personne qui a dit ça, elle est en face de toi, c'est Ibn Abbas. Il est plus à même de savoir ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a voulu entendre par cela. Enfin, il lui a demandé directement, après qu'il ait émis la fatwa. Mais je n'ai pas compris, ça m'a intrigué. Pourquoi tu demandes est-ce que sa mère elle était vivante? قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. Pourquoi? Parce que je ne connais pas dans l'islam une œuvre par laquelle on peut se rapprocher aussi bien d'Allah subhanahu wa ta'ala que par le biais de la bienfaisance envers les parents. Donc ça nous montre pourquoi il a évoqué l'imam al-Bukhari rahimahullah ce affaire-là dans kitab Bir al-Umm, parce que le droit de la mère il est immense. À un tel point qu'Ibn Abbas voyait que c'était l'œuvre. Il y en a parmi les œuvres qui sont liées au droit des humains, ce qui est voulu ici, le droit des humains, parce que le droit d'Allah, le droit du prophète, il passe avant le droit de la mère et du père. Ce qui est voulu ici, il y en a de l'humain en dehors du prophète, ce qui est voulu. Je ne connais pas une œuvre qui nous rapproche auprès d'Allah, c'est-à-dire des droits vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'humain, comme c'est le cas de Bir al-Walidi, le droit, la bienfaisance envers la mère. C'est pour ça qu'il a voulu lui demander, est-ce que ta mère elle est vivante? Si jamais ça aurait été le cas, il lui aurait dit, Toubi l'Allah, wa bir ummak, et sois bon envers ta mère. Parce que, Nimbab al-Inaba, pour se réformer, c'est vraiment une œuvre qui va vraiment te réformer. Qui est conforme à la parole d'Allah, et Azzawajal, thumma amila saliha. Inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Si jamais tu cherches une inaba, après avoir fait une sayyat, parmi les grands bab de inaba, lorsque tu as fait tauba, être bon envers tes parents. Le fait d'être bon envers tes parents. Abah wal marad. Donc ça nous montre que, on ne comprend pas par cela que le fait d'être bon envers sa mère, ça expie les grands péchés là. C'est pour ça qu'il a dit Toubi l'Allah en premier. Il faut qu'il regrette. À Tawba, comme on a pu voir, il y a des conditions. La première des conditions, c'est Nadam. Il faut qu'il regrette ce qu'il a fait. Deuxième condition, il faut qu'il ne refasse plus cela. Il a la fermeté de ne plus refaire cela. Al-Iqla' qui délaisse cette chose-là. Kadhalika al-Ikhlas. Labbuda min al-Ikhlas. Tawba, ça fait partie de l'ibadat. L'ibadat, labbuda min al-Ikhlas. Wa kadhalika labbuda an yakuna qabal al-waqt. C'est-à-dire avant que le soleil se lève du Maghreb. Ou bien avant que la personne meure, comme c'est venu dans le hadith. Kadhalika, il faut qu'il a un isra', qu'il a cours à la tawba. Qala subhanahu wa ta'ala, innama at-tawbatu 'ala Allah lil-ladhina ya'maluna as-su' bi-jahalatin thumma yatubuna min qarib. Innama la tawba auprès d'Allah azza wa jal, à ne accepter que si jamais la personne a cours à la tawba. قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ceux qui font des péchés بجهالة c'est-à-dire sans avoir fait preuve de patience ثم يتوبون من قريب et ensuite il a cours à la توبة قال فأولئك يتوب الله عليهم الله عز وجل يعني accepte le repenti de ces personnes-là. Donc ça nous montre, comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim رحمه الله تعالى, que parmi les conditions de la توبة le fait qu'il s'accourt à la توبة. Si la personne il fait un péché, ensuite il a un délai avant de se repentir vers Allah et Azza wa Jal, ça ne sera pas une tawba nasuha. Bal, il dit, à l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, c'est un péché. Le fait de retarder la tawba, c'est un péché. Il a besoin de faire une tawba. Deux tawba plutôt. Il a dit, il a besoin de faire deux tawba. La première tawba par rapport au péché, et la deuxième tawba par rapport au fait d'avoir retardé la tawba. Inch'Allah, je t'évoquerai la référence de ce passage-là dans le cours à venir, Inch'Allah. Fa, hada huwa. Il a évoqué à Hauna, rahimahullah, Bir al-Walida, parce que ça fait partie des grandes œuvres dans l'islam, et même des plus grosses causes de réforme, pour se réformer, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a fait des péchés. Allah yahfadhuk. Salam alaikum.